Je vois bien les regards que vous posez sur moi. Rien n'est dû au hasard si je suis comme ça. Si j'aime les fanfreluches, les strass et les paillettes et mon boa. Est-ce ma faute à moi si ma peau ne tolère que soie et mohair et que je suis allergique aux chaussures en plastique, à la viscose et à l'acrylique? Mon cachemire et moi, on est comme deux doigts de la main. Y'a pas de meilleur ami, pas plus fidèle que lui. Et mes beaux souliers, à l'instar des hommes pressés, se jettent bien volontiers à mes pieds. Les rouges et les fards, les plumes, les parfums rares sont ma passion, mon art, du matin jusqu'au soir. Et j'aime sentir sur moi les regards qui glissent comme du satin et mon boa. Et mes cheveux soyeux et le vert de mes yeux attirent les regards envieux des femmes et des vieux. S'ils me trouvent superficielle, un peu légère et bien trop belle, alors tant mieux. Mon cachemire et moi, on est comme deux doigts de la main. Y'a pas de meilleur ami, pas plus fidèle que lui. Et mes beaux souliers, à l'instar des hommes pressés, se jettent bien volontiers à mes pieds. Il est vrai que je préfère passer ma vie entière à chanter, à plaire, et puis surtout parfaire ma collection de pierres, de jolies robes, de crinolines et de boas. Si j'aime consacrer mon temps et mes pensées à ce que vous nommez mes frivolités, c'est que je n'aime pas la politique, les guerres et les débats d'idées. On n'a jamais vu des chaussures qui s'entretuent, des chemisiers armés pour le combat barrés, et mes beaux souliers, à l'instar de tous ces guerriers, préféreront, c'est sûr, mes pieds à leurs armures. Je suis superficielle, mais quand j'irai au ciel, je serai toujours la plus belle avec mes strass et mon bois.